Bonjour. Bonjour. Bonjour. Nous sommes les frères Bonassis. Roger et Yvon. Roger est le cadet, Yvon le plus âgé. Nous sommes cinq musiciens et nous représentons notre manière. Je pense que vous avez. Vous avez toutes les. C'est 6, 4, 5 autres. Vous avez toutes les clés pour découvrir cette proposition magnifique. Après, on écoute. Laissez voiler.